compagnie, la petite avec qui j'étais tout à l'heure. Bonjour, c'est les Pilets Pensées. J'entends pas ma guitare dans les retours. Yeah! appelle The Scapegoat. Thank you. Vas-y.